C'est la troisième fois de la journée qui nous saoule avec leur va-et-vient. Entre le bureau et la cage à chien, mais on tient bon, lâche rien. Même pas un stick que dalle, on connaît la tactique comme d'hab. On a rien vu, rien entendu, c'est clair, on n'est pas coupable. L'atmosphère devient tendue, ils persistent sa charme. À coup de potin sur le crâne. Ils veulent qu'on coopère, qu'on lance bas. Qu'ils aillent se faire mettre, nous on mange pas de ce pain-là. L'ouvrir-nous jamais, tôt ou tard tu nous lâcheras. J'espère qu'ils sont pas tous comme ça, hein, parce que sans ça on n'est pas sortis de la merde. Hein. Écoutez-les-moi le retour, le petit branleur. Là, ouais. J'ai la haine, question enchaînée de tout part. M'a menotté, suspecté, traité de louvard. Dégoûté, l'esprit hanté de cette putain de journée. Mandat de perquisition, les positions et j'avais, pour leur dire que je n'étais pas au courant, ils me gavaient. Je ne leur dirais rien même si je savais. Tu sais, inutile face au caméléon. La situation se corse, rapport de force. Hé hey Robert, dégage-moi ce petit con et serve-lui bien les menottes. C'est bon, allez, vas-y, lâche-moi. Je vais tout de suite, y'a pas de problème. Maintenant, amène-moi Hassan et Kibla. Okay. Et vous faites quoi ici? On est comme on sait pas. D'ailleurs, on aimerait bien savoir les raisons pour lesquelles on se trouve ici ce soir. Bon, je reconnais pour les 8 grammes de dynam. Mais on est pas au courant, on pose pas de questions en ce qui concerne les armes. J'ai quand même pas reconnaître un fait que j'ai même pas fait. J'étais tranquille au studio en train d'enregistrer. Hey, car mon casier, il est vierge comme une pucelle. Le mien est chargé, mais dans cette affaire, je suis blanc comme neige. Ok, dans ma jeunesse, j'étais pas un modèle. Y'avait pire que nous, à Max Dopel, c'est Gare Charcel. Je te dis pas que je suis un ange ni un démon. C'est bon, on a passé l'âge avec ses plans bidons. Refoutez-les en jamais. Eh, hey, ça fait 18h là, y'a pas moyen de manger. On était clean en train de poser ça, c'était pas prévu. Garde à vue, celui qui a planqué l'arme. Je l'attrape, je le tue, Socrate, mate leur vis, ils veulent nous fourrer. Je crois que les armes trouvées ont été dissimulées. Ça fouille aux quatre coins de la pièce. C'est bon, là on a prouvé ce qu'on cherchait. Ou c'est une combine, ou les indiques les ont bien renseignés. Ça c'est chelou, quoi qu'ils fassent, on n'est pas dans le coup. Ils ont beau nous questionner, nous on ne sait rien du tout. Dis-moi, toi, l'enfoiré là, qui passe à été. Je sais que ça m'étonnerait pas que ce soit toi le chef. Y'a pas de chef, y'a que des mecs qui veulent du bénéf. Gagner de l'argent largement artistiquement. Mon cul, c'est du boulet. Hé, maille-moi dans ta gueule. Tu peux pas me toucher, tu sais. Demain j'appelle mon avocat, c'est le meilleur à Paris. Toi t'iras faire la circulation de con Harbobini. Arrête tes conneries, je dois aller chercher mon bambino. Ce soir j'ai rendez-vous avec une rate au bobino. Bon, ton album c'est pas le calibre qu'il te faut. Ouais, alors. Bon, alors forcément. Le calibre, n'importe. Il est à toi. C'est bon, c'est bon, chef. Hein, de toute façon, il a tout avoué. La quoi? Je vais dire trois phrases avant de bouger d'ici. Y'a pas de balance dans le show lapin. Dis à ta femme que j'aime les femmes de flic. Et dis-lui de pas mettre les dents quand j'arriverai le matin. Je vais me le faire. Viens, viens, viens, viens. Alors vas-y, vas-y. Élémentaire mon cher Watson. J'ai la tête dans le cul quand 6h du mat sonne. Donc je vois pas du tout de quoi vous me parlez. Je répète encore 1, j'ai rien vu, 2, j'ai rien pris. Et 3, rien entendu. Alors c'est pas vos mic-mac de sale macaque qui feront plonger un black mac avec le bras aussi lent que le pape. Alors arrêtez trop de chichi avec vos histoires de darbé et de chi. Je sais qu'il y a pas de boucaf dans mon équipe. Mais putain, quand j'y pense. Hey Marginal, ça va bien? Bien le gros alors. Et tu sais quoi, j'ai un truc, faut que tu me le gardes là. C'est quoi ça encore? C'est un sac, tu le gardes, tu regardes même pas ce qu'il y a dedans. Putain, je peux te faire confiance ou pas? Arrête tes conneries, qu'est-ce qui t'arrive à chaque fois que je te demande un truc? Attends, allez, je te parle, regarde-moi bien. Mais regarde, y'a Mister. Regarde-moi, je te parle. La dernière fois, je t'ai pas rendu service. Si. Bah alors, qu'est-ce qu'il y a? Je te demande un service, je peux pas me le rendre. T'es chelou, à chaque fois je te demande un truc, tu gueules. Je peux te faire confiance ou pas? Garde le sac. Ouais, putain. Tu dis rien, t'es pas obligé de parler à Stomé avec ses conneries de musique. Là, c'est nos affaires, à toi et à moi. Tu me le dois, ça. Okay, tu me le dois, regarde-moi bien, tu me le dois. Ouais, ouais. Ok, je te fais confiance. Okay. Tranquille. Ok. Quand je repense que c'est un grand chez moi qui m'avait confié sac. À charge de revanche, je lui ai dit direct que j'étais dark. Plus le temps file, l'adrénaline monte, les heures je compte. Faut pas que je pète les plombs, défile la dure, je reste. Face à des bleus plus galopes, moi qui teste avec leur coup de pression. Ils n'ont pas de preuve, je l'ai échappé belle. J'ai rien lâché, ils m'ont relâché. Ils ont la chance, l'avocat est balèze. Mais c'est pas fini. On l'aura ce putain de gang de chaud là-bas. On gardera l'œil sur eux, chef. Affaire à suivre. C'était chaud pour le show lapin, le show patapin qui tue. Vous êtes toujours avec Jeffrey, l'animateur que rien n'effraie, pour la sortie de l'album Mixomatose. Bon alors maintenant on va s'écouter des sauces à moi, les deux doigts, des salauds de la zone 4 et de la rue Cazeneigue. Et quand le morceau va passer, t'as intérêt à laisser passer.